Pas couché. Allô, j'ai appelé, ok, maman? Pardon? J'ai appelé parce qu'il faut que je parle avec quelqu'un, je vais la chercher. Ouais, je vais me coucher là maintenant. Ok, mais on s'appelle demain. Ok, je t'embrasse, merci. Thank you. Thank you. Ya está. Coughing, so that's cool. I had like a sore throat and a headache for like 4 days, and I'm all freaking out. All good. Ya estamos adentro de la sesión. Thank you. that. I don't know. Thank you. Mm-hmm.